J'entre dans l'agglomération d'Istres. Sans autre indication, la vitesse sera limitée à 50 km/h. Ce panneau annonce la fin du caractère prioritaire de la route sur laquelle je circule. Je vais donc forcément rencontrer une intersection. Je peux d'ailleurs apercevoir le panneau blanc, placé plus loin, indiquant la proximité d'un carrefour à sens giratoire. Aucune signalisation interdisant le dépassement n'est implantée ici. Je pourrais donc dépasser sans excéder 50 km/h. Réponse A et D.